Go back to bed, America. Your government is in control. Alors, un paradis fiscal, c'est quoi? Le capitalisme est en train de développer d'effrayantes contradictions. On a vraiment un pouvoir mondial qui est entre les mains d'une poignée de riches. Si on n'y prend pas garde, ces contradictions vont atteindre un jour un point de rupture. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Que l'économie doit être au service du reste des liens humains. C'est une rengaine que de parler de la toute-puissance de l'argent. Il est facile d'appeler rengaine la constatation obstinée d'une évidence. Bonjour à tous, ici David Leblanc, bienvenue à Econophile. C'est la 50e émission d'Econophile. Yeah! 50e! Hein? Bon, 50. Écoute, c'est quoi, hein? Ça veut pas dire grand-chose en même temps. 50, c'est la moitié de 100, hein? C'est le quart de 200, c'est un dixième de 500, c'est plus que 49, mais c'est moins que 51, hein? Est-ce que c'est pire ou mieux que 37? Je le sais pas. Mais c'est surtout l'occasion de s'arrêter deux minutes pour penser, pour repenser à ce qu'on fait, pourquoi on est là. En septembre 2016, j'ai commencé cette toute petite émission seule à la radio, dans une ville où le courant principal est à droite, réactionnaire, médiatiquement, j'entends. Pour la population, ça, il y a des nuances à apporter. Mais j'ai senti comme l'urgence de venir ici dire autre chose que ce qui se dit, presque partout. Pas partout, mais presque partout. J'ai décidé de parler d'économie, pas pour vous endormir ou avoir l'air intelligent, mais pour dire ce que je comprends des textes et des auteurs que je lis depuis des années et qui présentent un visage de l'économie qui me plaît, moi, qui correspond et qui correspond pas, en fait, à ce qu'on croit ou ce qu'on nous dit. Non, c'est pas juste des chiffres, du rendement, des facteurs de production, du PIB, du profit, des portefeuilles d'actions. Je me disais, ça ressemble davantage à la distraction qu'à l'essentiel. Comme si on vous pointait la lune en espérant que vous passiez votre temps à regarder le doigt. Or, la lune, c'est la face lumineuse, hein, nos réussites, les accomplissements humains, le progrès, les découvertes, les révolutions, l'entraide, l'architecture, l'art, bon. Puis la face sombre, la pauvreté. Les inégalités, la pollution, la destruction, l'exploitation, la cupidité, le consumérisme. C'est ça l'économie. C'est de l'humain, c'est notre planète. C'est pas la cote Moody's, là. J'avais envie d'un espace où on pourrait réfléchir longtemps, parler plus longuement, commenter, mettre en lumière des auteurs extraordinaires, des penseurs exceptionnels et faire un travail d'analyse, de compréhension, de vulgarisation. Et puis un jour, je reçois un courriel d'un économiste qui a envie de m'aider. Il devait se douter que j'étais en train de crever à lire un livre par semaine, probablement tout seul à travailler en même temps, temps plein. Donc, il est là. Puis depuis, il est au micro avec moi chaque semaine. Alors, je veux lui dire encore clairement, merci Jean-Claude. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné cette chance de t'aider. Ça me fait bien plaisir. Puis, l'équipe s'est agrandie aussi, avec Isabelle Vaillancourt et ses indispensables chroniques. Gerrit Dorreur aussi, qui est à la mise en onde, les fois où il n'est pas ailleurs dans le monde. Gerrit, merci beaucoup. Et merci à Isabelle aussi. Merci à chacune et chacun de nos invités qui acceptent de nous consacrer quelques 20 minutes ou plus là, pour nous aider à comprendre les phénomènes, à détricoter les mailles de l'économie qu'on tient parfois un peu serrées. Je pense particulièrement aux auteurs et à nos amis de l'Iris, aux éditeurs comme Éco-Société, Somme Toute, Luxe. Je pense à Yannick Marcil, bien sûr, que moi j'apprécie particulièrement pour sa capacité à parler un langage humain. À Jean-Pierre Furlong, qui nous a aidés à quelques reprises, à tous les chercheurs aussi de l'Iris, qui sont des résistants dans un monde où on insiste pour qu'on regarde justement le doigt au lieu de la lune, comme je disais. C'est pas des idéologues pour moi, à mon sens. Ce sont j'appellerais ça des factuologues, des faits. Pendant qu'on nous dit blanc, c'est noir, et ça, ce sont les faits, hein. Et eux, ils nous le disent. Enfin, j'estime. Merci aussi à la direction, à tout le monde, à CKRL, bien sûr, Terre de Liberté, s'il en est une, où on peut mêler culture, savoir, intelligence, humanité, art avec bon goût. Alors ça, c'est précieux. Et puis, merci à vous. Qui nous découvrez là maintenant peut-être, ou qui écoutez parfois, qui écoutez chaque semaine, merci. Je dis pas ça pour être fin, là, je dis ça parce que on oublie parfois ce qu'on est et ce qu'on fait. Pourquoi on est là, hein? pour le doux plaisir d'entendre nos voix? Non, pas vraiment. Pour couper nos samedis en deux? Pas tout à fait. C'est parce qu'on est des humains. Une société, n'en déplaise d'ailleurs à Margaret Thatcher, nous sommes une société. Et ça veut dire qu'on a des liens, qu'on occupe un espace, une réalité, une idée en commun. Alors on essaie de contribuer à faire, comme disent les philosophes, un monde meilleur. Modestement, là. Très modestement. Évidemment, on se demande toujours s'il y a du monde qui écoute. On sait bien que oui, mais bon. C'est pas 1 million, peut-être, mais probable. Mais ça peut être 23 comme 5 000, je sais pas. Alors, vous en voudrez pas si vous donnez pas de signe de vie, là. J'aime la liberté au point d'accepter que vous répondiez pas, parce que c'est ça être libre. Mais juste un petit signe sur Facebook, si ça vous tente, un petit like, j'aimerais ça. Ça a l'air de rien, mais ça l'est pas. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a des humains au bout du haut-parleur. Merci à vous tous. Donc, on continue ce qu'on fait parce qu'on aime ça. Et bienvenue à Iconophile. Alors, vous voulez nous retrouver justement sur Internet, liker cette page sur les réseaux, ben on est là, hein, sur la page Facebook, c'est Iconophile891. Et puis, pour trouver le blog, deux façons, le bouton « En savoir davantage » sous le bandeau de notre page Facebook ou encore, ben, vous allez sur iconophile.net et vous y arrivez directement. Iconophile.net, c'est des textes inspirés de nos discussions ou encore des livres que nous vous présentons. Et puis, vous y trouvez aussi la balado qui donne accès aux 3 dernières émissions ainsi qu'à la totalité de ces 50 et quelques émissions, incluant les reprises, qui sont disponibles dans la section émissions. Jean-Claude Cloutier, bonjour donc. Oui, bonjour David. Écoute Jean-Claude, cette semaine on se gâte, on parle de taxes. j'ai eu du plaisir à préparer les publicités parce que je me suis dit, oui on va parler de taxes et vous allez aimer ça. En fait c'est particulier, il y a un angle d'attaque là-dedans. Oui c'est très intéressant, c'est des taxes effectivement très particulières. On va montrer en fait que les taxes peuvent être utiles pour le bien commun. On appelle ça les taxes pigouviennes, c'est ce que j'ai expliqué, en fait c'est ce que j'ai présenté dans la publicité, mais on va vous expliquer tout ça au cours de l'émission. Et puis je me suis aussi entretenu avec l'économiste François Delorme, une pointure hein, qu'on voit régulièrement dans les médias, et son point de vue sur la chose est vraiment très, très, très intéressant. Et puis question de la semaine, Jean-Claude? Oui, ben c'est une question. J'ai dû changer la formulation. C'est l'actualité l'a changé. L'actualité d'hier m'a forcé à la changer. La question sera quelque chose comme est-ce que le méga contrat de 20 milliards d'Hydro-Québec avec le Massachusetts aurait-il été vraiment rentable si c'était réalisé? Voilà, parce qu'on a appris que c'était mort finalement. Alors réponse en fin d'émission. Alors Jean-Claude, d'abord pour parler de cette taxe pigouvienne, mais il faut parler de Pigou. Pigou, Arthur Pigou, un économiste hors norme en fait. Oui, il est très peu connu, même chez les économistes. Enfin, à mon avis, pas suffisamment connu parce qu'il y a eu un impact très important et il a introduit la notion d'externalité en économique. Puis l'externalité, c'est des coûts ou peut-être des bénéfices dans certains cas qui tombent sur des troisièmes personnes, des troisièmes parties. Vous avez un acheteur et un vendeur, mais des fois, il y a une troisième personne qui subit les conséquences ou les bénéfices découlant de la transaction que vous venez de faire. C'est la notion d'externalité en économique. Celui qui a mis la main, mais qui a un peu montré les conséquences en termes de politique publique que ça pouvait avoir. Il faut peut-être mentionner que c'était le fils spirituel. Il a étudié sous Alfred Marshall, qui est le grand économiste néoclassique, puis il a enseigné à John Maynard Keynes. Donc, il se situe vraiment là au cœur de la pensée économique occidentale, en tout cas britannique. Donc, externalité, ça veut dire, parce que on peut penser que c'est un peu complexe, mais non, il y a notamment pour l'environnement, c'est très facile à imaginer. Quand on produit quelque chose, il y a une une pollution. Cette pollution-là a un coût. Donc, est-ce qu'on l'inclut dans le coût de ce qu'on achète pour pouvoir compenser la pollution qu'on produit? C'est exactement. Mais ce qui est le fun avec l'externalité, c'est que, je disais tantôt, c'est une des principales déficiences du marché, c'est qu'il y en a partout des externalités, positives ou négatives. On est plus sensibles aux externalités négatives. La pollution en est une qui est bien connue, qui est même de plus en plus importante. Mais pensons à la congestion routière, pensons au bruit, pensons à la fumée secondaire pour ceux qui fument pas, au comportement routier. Quelqu'un qui conduit en fou, ben ça fait monter les assurances des autres, puis ça crée des accidents pour les autres. Vous avez les téléphones cellulaires dans le transport en commun. Il y en a des exemples à l'infini d'externalités, de choses qu'on impose ou dont profitent les tierces parties. Du côté positif, je vais quelques exemples. L'éducation, ouais. quelqu'un qui s'éduque, qui acquiert des diplômes, qui acquiert des compétences, ben ça y profite à lui personnellement, mais ça pourrait profiter en tout cas à l'ensemble de la société. C'est une externalité positive. Ça veut dire que quand on le subventionne, on décide collectivement de se payer ça, même si c'est une personne qui en profite, on sait que la société va en bénéficier après coup. C'est une externalité positive de la société. Voilà. Un autre exemple qu'Isabelle, on va penser à elle aujourd'hui, aimerait bien, ceux qui marchent ou ceux qui font du vélo, ouais, c'est une externalité parce qu'il diminue les coûts du service de santé puis il cause pas de congestion routière, ou en fait très peu, sauf sur le plateau à Mont-Royal. Il y a évidemment des exemples qui sortent quand on parle notamment de la santé. Là, je reviens sur, je sais pas si tu avais terminé pour le volet positif, mais je parlerai un peu de la santé. Évidemment, ça, c'est une des choses que tu viens de l'aborder qui est très importante. On a vu ça passer dans l'actualité récemment. Les boissons sucrées, par exemple, si on va en sortir un, Montréal qui veut éliminer la vente des boissons sucrées dans ses bâtiments. C'est le genre de conséquences, c'est le genre de philosophie derrière ça. C'était cette idée de dire, ben gars, si on a ça, il faudrait peut-être payer pour et être conséquent. J'ai vu ça passer aussi, c'est l'article que tu m'as envoyé, je trouvais ça spécial, taxer les gobelets de café jetables. Pourquoi pas? Ben oui, c'est un autre exemple. Là, c'est un exemple plus relié à l'environnement, mais on s'est rendu compte, je pense, en Angleterre qu'on a abordé cette proposition-là. Pour se rendre compte, je me souviens un peu du chiffre. Lire ici. Au moins 2,5 milliards de gobelets de café en carton doublé en polyéthylène sont jetés chaque année au Royaume-Uni. Selon le gouvernement, c'est moins de 2% d'entre eux qui sont recyclés. C'est quand même intense. C'est là qu'on comprend l'importance de décisions comme celle-là. Oui, puis dans des cas, ben les gobelets, mais t'as les contenants de plastique pour l'eau, puis t'as tous les sacs de plastique. On a mentionné un peu, c'est un dossier à Montréal présentement, les sacs de plastique. Exact. Est-ce que tu permets qu'on écoute tout de suite François Delorme qui nous parle justement, en fait, du principe de cette taxe pigouvienne. On l'écoute. Qu'est-ce qu'il faut savoir de cette idée, de ce principe de cet économiste Pigou? Pigou, ce qu'il essayait de faire, c'est d'essayer de tenir compte du fait que certaines de nos décisions privées ou nos décisions personnelles peuvent avoir des conséquences collectives. Alors, par exemple, l'exemple qu'on donne souvent, c'est la cigarette. Il y a personne qui va me dire si j'ai le droit de fumer ou pas. Donc ça, c'est un plaisir personnel. C'est ma décision privée de fumer ou pas. Mais les conséquences de santé publique ne sont pas seulement subies par le fumeur, mais sont aussi subies par d'autres personnes qui ont pas pris part à ma décision de fumer. Alors, on peut juste penser à « je fume et il y a de la fumée secondaire et la personne qui est à côté de moi a rien eu à voir avec ma décision de décider de fumer, mais elle en subit les conséquences négatives. » Alors, souvent, dans notre jargon d'économiste, on dit que il faut internaliser l'externalité. Donc, l'externalité, elle est ici négative. C'est les effets externes sur quelqu'un d'autre. Mais cette personne-là doit en subir les conséquences, mais moi, je ne paie pas le vrai prix pour compenser toutes ces personnes-là qui subissent la conséquence de ma décision personnelle à moi. Donc, Pigou a dit, on devrait taxer le fumeur pour qu'il puisse, après, on puisse compenser la personne qui subit ça. Donc, c'est ça un peu le principe, c'est... Il y a une décision personnelle qui a des conséquences sur les autres et la taxe vient un peu faire payer le vrai prix à la personne, par exemple le fumeur. Mais le vrai prix, c'est quoi? C'est le prix privé de la cigarette, mais c'est aussi le coût social que je fais pour compenser les autres qui subissent. Donc, c'est ça le principe d'une taxe pigouvienne. Et évidemment, bon, là, on parle de questions de santé où ça, c'est assez, bon, c'est assez évident de comprendre. Mais il y a aussi l'impact environnemental qui est très fort et qui prend beaucoup d'espace dans le discours public depuis toujours, mais particulièrement de ce temps-ci. Parce qu'il y a effectivement le moyen de taxer les gens pour, dans le fond, de la pollution, pour l'effet planétaire, finalement, là. Oui, mais le principe de la taxe pigouvienne est vraiment celui que j'ai décrit. Mais après, l'exemple que je vous ai donné avec les cigarettes, ça peut être appliqué à la pollution, au carbone, ça peut être appliqué, qui est la même chose. Hein. Je prends mon véhicule, je paie l'essence 1,34, mais vraiment, le coût social de ça, de la pollution et des effets de santé publique, l'effet sur l'environnement, tout ça, ben il est bien plus que 1,34, il est peut-être autour de 4,50 $. C'est la même chose pour la malbouffe. On dit que, par exemple, un cheeseburger chez McDonald's, ça coûte, je sais pas moi, 2 $, mais il y en a qui ont calculé que le coût social de ça, ben le consommateur d'un burger devrait plus payer autour de 11 $ si on tient compte de tous les effets environnementaux, de santé publique et ce genre de choses-là. Donc, c'est vraiment se faire payer le vrai prix, qui est pas juste le prix privé. Alors, on peut appliquer le même principe sur le sucre, sur la malbouffe, sur le sel, sur la cigarette, sur le CO2, sur la viande. Alors, on voit que le principe de la taxe, c'est vraiment que la personne paie le vrai coût, pas le vrai coût privé de sa décision, mais le coût social. Et on le fait de plus en plus, ce genre de principe-là, au niveau d'une taxe pigouvienne. Donc, c'est de payer ce que ça coûte, mais il y a aussi, et là, là vraiment, on rentre là-dedans, il y a une envie très admise, d'ailleurs, de changer des habitudes. Parce que c'est pour ça, entre autres, quand on parle du sucre, du tabac, du sel, de taxer les boissons sucrées, parce qu'on se dit, il y a une question de santé publique, on essaie, par cette taxe-là, de dissuader du monde, on veut changer des comportements. Exactement. Ça, c'est très important ce que vous venez de mentionner, parce qu'on veut pas taxer pour taxer. Le but ici, c'est pas que le gouvernement aille chercher des nouveaux revenus. Le but, c'est par le prix. Hein, nous, on est dans une économie de marché. Il y a une offre, il y a une demande, il y a un prix. Et la seule façon pour dans une économie de marché de faire changer les comportements, c'est par le prix. Donc, le gouvernement se dit, ben, je vais changer le prix en imposant une taxe. Donc, le prix est plus élevé. Et évidemment, si le prix augmente, ben la quantité demandée devrait diminuer. Donc, on essaie de changer les comportements des consommateurs ou des usagers par le prix. Donc, c'est à ça que ça sert la taxe, et on espère que la taxe va faire diminuer la consommation, là on peut les nommer, la malbouffe, le sucre, le sel, le CO2, tout ça. Là. Donc vraiment, ce que vous venez de mentionner, c'est le plus important. Faire changer les comportements par un changement de prix. Donc, on peut taxer, quand on taxe, je veux essayer de changer les comportements de quelque chose qui a des impacts négatifs sur la société, et on peut, par exemple, subventionner des choses qui ont des externalités positives. L'exemple le plus caricatural là, que je pourrais vous donner, c'est on va taxer la malbouffe, mais on va subventionner les légumes bio. Hein? Ouais. Donc, je taxe quelque chose que je veux pas que tu fasses, parce que ça a des conséquences collectives négatives, mais je vais encourager quelque chose au niveau des habitudes alimentaires qui va avoir des impacts positifs au niveau de la société. Alors, Jean-Claude, discussion intéressante. Dans le fond, c'est une utilisation peut-être plus efficace ou plus intéressante de la fiscalité, hein, parce que qu'on se comprenne bien, il y a personne qui a parlé de payer plus de taxes, c'est payer différemment. Ben payer pour des, je dirais, pour des raisons différentes. Ouais. C'est, ça s'appelle taxe, c'est sûr, ça peut s'appeler taxe en tout cas, mais sauf que l'esprit derrière ça est tout à fait différent d'une taxe habituelle. Une taxe ou un impôt ou un droit quelconque chargé par le gouvernement, ça vise à collecter des fonds, à faire des recettes pour le gouvernement, des revenus gouvernementaux, alors que là, c'est sûr que ça peut créer des revenus, ça va en créer une taxe pigouvienne, mais l'objectif, c'est pas ça. C'est, en principe, en tout cas, c'est pas de créer des revenus, c'est de changer les comportements. Monsieur Delorme, l'a très bien dit. C'est une taxe qui vise, dans le fond, à amener les citoyens à adopter des comportements qui sont profitables à l'ensemble. C'est qui, par exemple, en matière de santé, ben, c'est de réduire les coûts collectifs. C'est aider la santé des individus, mais ça, ils seraient capables de prendre la décision eux-mêmes, à la limite. Ouais. Puis s'ils veulent pas la prendre, ben, ça, on va se dire. Puis moi, je trouve ça intéressant, c'est le lien avec des programmes, dans le fond, qui sont publics. La santé au Québec, c'est un service public, tout le monde paye pour ça. Alors, ce que ça reflète, cette taxe-là, ça dit, ben, tu peux pas, c'est pas vraiment une décision individuelle de fumer ou de pas fumer ou d'avoir des bonnes habitudes de vie. Ça en est une en partie, mais ça a des conséquences collectives. Si tous les gens se mettent à fumer au Québec, nos coûts de services de santé, qui sont 35 milliards présentement, vont peut-être monter à 50 milliards. Fait que ça, on dit, à un moment donné, c'est peut-être justifiable de mettre des taxes sur le tabac ou de mettre des taxes sur le sucre ou sur le sel pour au moins atteindre les objectifs de la communauté. Parce qu'on pourrait, c'est sûr, il pourrait y avoir des gens qui s'objectent en disant mais où est la liberté là-dedans? Moi, je suis un individu, je suis libre, je peux décider de manger des Big Macs, j'ai le goût de manger des Big Macs. Tout ça est vrai, mais ce serait faire semblant qu'on n'est pas en société. Dans le fond, le concept de la taxe pigouvienne, c'est de dire on a du fun, tu peux faire tes choix personnels, mais d'ailleurs, tu vas les payer, tes choix personnels, puis on va te les taxer davantage parce que, de toute façon, ce que tu décides de faire a une incidence sur les autres. La pollution a une incidence sur tout le monde. Ton état de santé, si tu passes ton temps à l'hôpital, ça coûte quelque chose. Bref, moi, je trouve ça très conséquent, ben, franchement. Ben, encore là, c'est une philosophie de vivre ensemble, c'est-à-dire. Oui. Puis là, on pourrait prendre un exemple que je connais bien pour avoir travaillé un peu dans ce domaine-là, en sécurité routière. Au Québec, on a un régime étatisé. C'est pas le cas partout en Amérique du Nord. Au contraire, c'est l'exception, le Québec. Mais au Québec, on va charger plus cher dépendant du type de cylindrée que tu as sur l'immatriculation, sur le permis de conduire, dépendant des comportements que tu as. C'est une forme de taxe pigouvienne, c'est-à-dire ton permis de conduire ou ta plaque d'immatriculation te coûte plus cher selon les comportements que tu adoptes. Mais tu as d'autres philosophies. Aux États-Unis, ils ont même pas, dans certains États, tu n'as même pas l'obligation du port du casque pour la motocyclette parce qu'on dit, parce que là, c'est privé. C'est les accidents, c'est toi qui payes. Ouais. C'est ton assureur, c'est pas l'État qui paye. Fait que les gens aux États-Unis disent, ben moi, je porte pas le casque, puis j'aime ça avoir les cheveux au vent. Ceux qui ont des cheveux. Mais alors que c'est. Là, on parle pas de taxes, on parle de réglementation, mais c'est un peu le même esprit, ben, finalement. C'est le même esprit, oui. Quand tu as un problème collectif, puis des solutions collectives comme l'assurance automobile au Québec ou la santé publique au Québec, ben l'État peut être justifié jusqu'à un certain point d'imposer des taxes ou des réglementations. Dans tes notes, est-ce qu'on y va sur les initiatives? Est-ce que c'était là-dessus? Je sais pas, je vais te suivre là, à cet égard-là. Ben moi, peut-être avant, oui, je vais donner un autre exemple peut-être. L'exemple très facile à comprendre, c'est le tabac, mais la question va se poser pour la marijuana dans quelques mois, c'est-à-dire que le gouvernement va devoir, les gouvernements, parce que le fédéral et les provinces, et à la limite peut-être les municipalités pourraient se poser la question aussi, est-ce qu'on va mettre une taxe et à quel niveau on va la mettre? Et là, t'as une espèce de dilemme, c'est-à-dire que on sent que présentement, le réflexe, c'est de dire, mais moi aussi, je vais avoir des recettes fiscales et un pactole extraordinaire, mais ça va être le même problème qu'avec le tabac. C'est-à-dire, si les gens consomment énormément de marijuana, il y aura peut-être des conséquences au niveau de la psychologie, mais il y a peut-être des conséquences en santé sur la qualité, comme sur les poumons, sur les voies respiratoires, etc. Donc, on aura le même genre de questions à se poser. Est-ce qu'on veut taxer pour faire des revenus ou pour ajuster les comportements des individus par rapport à la marijuana? Marijuana est très intéressant aussi parce que, comme on le disait la semaine dernière, quand on parlait des statistiques, il reste que c'est quand même particulier pour ça, parce que c'est un marché où on est, c'est illégal. Quand on s'en procure, il y a un marché parallèle existant et efficace. Ouais. Si on met trop de taxes, je peux me permettre de penser que le système parallèle va très bien fonctionner. Oui, c'est une des limites. On en parlera dans quelques minutes, dans la troisième partie, là, les limites de taxation-là. Oui, c'est ça. Ben, peut-être mentionner quand même, juste parce qu'on est souvent aussi, on fait le procès du marché, mais il reste qu'il faut quand même souligner que c'est un cas où là, on joue le marché pour le bien public. On dit, OK, on va mettre un prix sur certaines consommations, certains comportements, puis on va faire jouer le marché. Les gens vont dire, ah, ben là, si ça me coûte plus cher, je ferai pas ça de bord. Je vais plutôt faire un autre comportement. Donc, ça prouve un peu par l'absurde, finalement, que le marché peut avoir son utilité aussi. Finalement. Je vais être obligé d'y croire. Écoute, j'irai si tu es d'accord avec la deuxième partie de l'entrevue avec François Delorme, l'économiste. Dans celle-là, on commençait en lui demandant, mais est-ce que ça fonctionne? Alors voici sa réponse. Est-ce Est-ce que ça fonctionne? Parce que c'est quand même la grande question aussi, parce que là, dans les argumentaires qu'on peut lire de ceux qui s'y opposent, évidemment, il y a une allergie culturelle au mot taxe, mais dans les faits, plus factuellement, qu'est-ce que ça dit du côté de la capacité de livrer la marchandise? Ben, il y a deux choses dans cette façon d'analyser ça. Il y a un, est-ce que les gens réagissent à une augmentation de prix? Autrement dit, si j'augmente le prix, est-ce qu'ils vont changer de comportement? Et ça dépend des produits. Okay? En général, on voit par exemple qu'une taxe sur l'essence, les gens sont plutôt insensibles à ça. Une taxe sur la viande aussi, ils sont assez insensibles. Il y a des biens pour lesquels les gens vont réagir à une hausse de prix, puis d'autres pour lesquels ils réagiront pas. Donc, ça dépend de la sensibilité aux gens. L'autre facteur qui est très important, c'est le montant de la taxe. Par exemple, ici au Canada, on a une taxe sur le carbone qui vise à justement essayer de décourager les gens de prendre leur voiture ou de consommer l'essence ou ce genre de choses-là. Mais la taxe est tellement faible, par exemple en ce moment c'est 10$ au niveau de la tonne de CO2, mais ça c'est une scène .2, okay? On va dire une scène au niveau du prix de l'essence. Est-ce que si je mets une taxe sur le carbone de 10$ et que ça fait augmenter le prix de l'essence de 1 cent, est-ce que ça va à la pompe? Est-ce que ça va vous faire changer votre comportement? Je pense pas. Donc, il n'y a pas juste la sensibilité au prix. Est-ce que cette augmentation-là est assez agressive pour faire changer les comportements? Mais ça permet au gouvernement de dire, ben oui, nous, on en a une taxe sur le carbone, puis on met un prix sur la pollution, mais ce prix-là est pas assez élevé pour faire changer les comportements. Dans quelle mesure les lobbies ou en tout cas les grands joueurs économiques peuvent mettre de la pression? Parce que là, de ce que je décode, de ce que vous me dites, c'est qu'on peut toujours se targuer ou avoir l'étiquette un peu verte en disant, bon, ben on a mis une taxe, là, mais oui. C'est tellement pas effectif que dans le fond, on déplaît pas trop à ceux qui font des pressions, puis ainsi va la vie, non? Exactement, vous avez tout à fait raison. Mais moi, mon point de vue là-dessus, c'est toujours une question de cohérence. Si on veut vraiment faire changer un comportement, ben il faut essayer de mettre les instruments ou les outils qui vont mettre l'épaule à la roue dans un sens. Hein. Alors, moi, je dis toujours, si on veut faire baisser la consommation d'essence ou de malbouffe et tout ça, ben il faut s'assurer d'avoir quelque chose, un genre d'arsenal qui est conséquent avec ce qu'on dit. Donc, on met une taxe, et on protège les bas revenus, hein, c'est toujours ça, parce qu'une taxe peut être toujours... ce qu'on veut, c'est peut-être pas en solutionnant un problème en créant un autre. Donc, si on met une taxe, on veut s'assurer qu'on doit donner un crédit d'impôt aux bas revenus pour qu'ils soient pas pénalisés par ça. Mais c'est sûr qu'il y a toujours une inertie à vouloir changer les choses. Et le côté politique fait que nos gouvernements sont, et je les comprends, là, sont toujours un peu frileux de faire des changements qui sont radicaux. Donc, mais en même temps, mettre une taxe sur le carbone, comme le fait le gouvernement fédéral, c'est comme ne pas en mettre. Ou bien on le fait, ou bien on le fait pas. Mais en ce moment, le gouvernement fédéral, par exemple, je donne cet exemple-là, mais c'est la même chose au Québec, là. On a une taxe sur le carbone, on dit on met un prix sur la pollution, mais en même temps, on subventionne la construction d'oléoducs. Donc, moi, j'argumente toujours pour plus de cohérence, même si ça veut dire qu'on y va de façon progressive. C'est un peu ce qu'a fait le gouvernement de la Colombie-Britannique en 2008. Ils ont dit, nous, on met une taxe sur l'essence. Taxe sur le CO2, c'est 10$. Ça va augmenter de 10$ à chaque année jusqu'à un maximum de 50. On va prendre ces revenus-là, on va mettre ça dans un fonds vert et on va donner des réductions d'impôts sur le revenu des particuliers à la fin de chaque année fiscale. Mais on peut être d'accord ou en désaccord, mais cet ensemble d'éléments-là qui reviennent, taxes pigouviennes, ben ça a marché, puis c'est cohérent. Ça, c'est que ça a fonctionné en plus dans ce cas-là, là. Exactement. Donc, il y a une vision des choses qui dit, bon, on peut dire que la taxe à 50$, c'est pas encore assez. C'est vrai, hein. Ou en Suède, ils ont une taxe sur le CO2 de autour de 150$ américains. On va dire 180$ canadiens. Puis, c'est les pays, on sait en Scandinavie, qui ont des taxes sur le carbone les plus élevées. Mais c'est déjà un point de départ qui est plus viril, je dirais, plus agressif, plus conséquent, ce qu'ils ont fait en Colombie-Britannique, que ce qu'on a ici. Par exemple, ici, au Québec, on en a un marché sur le carbone. On a décidé d'y aller avec un marché plutôt qu'une taxe. Donc, on a décidé de laisser le marché dire, vous êtes prêt à payer combien, vous, pour une tonne de CO2, pour polluer? Ben, le marché dit quoi? Ben, c'est 17 $ la tonne. Mais on sait encore que, je vous l'ai dit tout à l'heure, 17 $ ça veut dire c'est 1,7 $ ou presque 2 cents la tonne au niveau du prix de l'essence à la pompe. Ben, encore là, c'est pas assez élevé pour pas très que difficile, ça fasse changer hein. vos comportements. Hein? Et d'ailleurs, on voit que en ce moment, les derniers chiffres de voitures à essence sont sortis, puis il y a deux camionnettes ou SUV qui se vendent pour une voiture de promenade. Donc, on voit bien que ça change pas les comportements au niveau de la taxe sur l'essence, et on peut amener ça à sur la viande, la taxe sur le sucre, la taxe sur la cigarette. Cigarette, bon, on a peut-être un peu plus d'efforts, mais il y a beaucoup de sources d'externalités négatives qui ont des conséquences sociales importantes. C'est l'émission Éconophile qui se poursuit à CKRL 89,1 avec David Lemelin au micro. La collaboration de l'économiste Jean-Claude Cloutier et notre invité, l'économiste François Delorme. On parle de taxes, oui, là, mais changez pas de poste, là. Au contraire, on regarde les choses en face. On parle de la taxe pigouvienne qui nous force à se demander si c'est une bonne idée de taxer pour compenser pour les dommages à la santé et à l'environnement. Jean-Claude, des témoignages intéressants de François Delorme où on parlait du montant, dans le fond, qu'il faut peut-être mettre hein, les efforts pour être capable de convaincre les gens à changer de comportement. C'est pas évident. Entre autres, il y avait dans un des articles publiés le 20 janvier 2018, donc ça fait pas longtemps. Est-ce que vous êtes prêt pour un bon de 50 cents le litre d'essence? C'est la question qu'on pose parce que Pierre-Olivier Pinault, chercheur des HEC, s'est penché là-dessus. Et si on veut atteindre nos cibles, c'est ça l'affaire, c'est qu'on se donne des cibles de réduction de gaz à effet de serre. Ben sur notre horizon 2030, si on veut l'atteindre, on fait des calculs et on se rend compte qu'il faudra augmenter beaucoup. 50 cents pour l'essence, puis pour ce qui est du prix du carbone, il faudrait que ça aille à 200$. On parlait de 17 tantôt, il faudrait grimper ça à 200. Oui, ben c'est tout à fait. M. Delorme avait raison, puis l'exemple de M. Pinault a raison également. Il faut que ça fasse mal, finalement, pour que les, ouais. les comportements changent. Puis M. Delorme a évoqué une autre dimension qui est importante. Je vois que c'est un bon vulgarisateur, M. Delorme, parce qu'il n'a pas utilisé le mot élasticité, mais c'est de ça qu'il parlait. C'est-à-dire ouais. que... dépendant du produit auquel tu parles, il y a des produits que tu as beau varier le prix, les gens vont changer pas beaucoup leur comportement parce que pour eux, c'est important, ils y tiennent. Et j'ai mis la main cette semaine là sur une étude américaine qui a été faite il y a quelques années qui montrait justement cette notion d'élasticité-là. Puis ça parlait justement des collations sucrées, des barres de chocolat, des bonbons, là, tout des snacks là, avec full sucre. Là. l'élasticité dans ce cas-là, c'est 0.03. C'est-à-dire que si tu augmentes le prix de la collation sucrée de 10 % la consommation va baisser de 3 % seulement. Donc, okay. va baisser très peu. Alors, c'est ça qui est un peu frustrant. Pour les fruits et légumes, ou pour le lait, par exemple, là, l'élasticité est de 2, c'est-à-dire tu augmentes le prix du lait de 10 % le lait écrémé, le lait à 1 % la consommation va baisser de 20 %, c'est-à-dire que l'effet des taxes est beaucoup plus fort sur les produits que tu voudrais favoriser que sur ceux que tu voudrais pénaliser. Donc, lui, prenant l'exemple, je pense, de l'essence, ça, c'est un autre cas. Donc, dépendant du produit, ta taxe aura plus ou moins d'effet parce qu'il y a des produits sur lesquels les gens, c'est notamment le cas des bonbons, les gens tiennent dans leur consommation. Ben, il y a des habitudes, puis pour ce qui est du sucre, on pourrait avoir des gens qui te parlent de drogue. C'est comme une drogue aussi, le sucre, là. C'est pas la même affaire que les fruits, là. Mm. On est moins drogué aux fruits qu'au sucre, d'après moi. Ce que j'ai aimé oui, effectivement, puis ce que M. Delorme mentionnait aussi, le cas de Colombie-Britannique est un cas intéressant parce que c'est un cas au Canada. C'est la seule province, mais l'Alberta a joint les rangs maintenant. C'est une des deux seules provinces qui a décidé d'y aller par une taxe plutôt que par une bourse du carbone. Et ce que M. Delorme n'a pas mentionné, mais c'est pas parce qu'il ne savait pas, c'est le temps qui a manqué, c'est ça a occasionné une réduction d'autour de 5 à 15% des émissions de GES. Donc, c'est efficace. La Colombie-Britannique a réussi à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Et en plus, autres, ce qu'ils ont fait, puis ça, c'est une dimension qu'il ne faut pas oublier. Ils ont dit que ça va être un fardeau fiscal nul pour les contribuables, les Britanno-Colombiens. C'est-à-dire, ce qu'on vous prend dans une poche, dans une main, si tu veux, par la taxe, on vous le rembourse au niveau de l'impôt sur le revenu. J'ai pas vu les chiffres récemment, mais il y a quelques années, les Colombie-Britanniques étaient l'endroit où l'impôt sur le revenu était le plus faible au Canada, plus faible qu'en Alberta même. Donc, ça, je pense que les politiciens, sauf qu'ils fassent, il faut qu'ils disent, on vous prend de l'argent d'un côté pour changer vos comportements, mais on vous le redonne d'un autre côté pour bien vous montrer que c'est pas juste faire de l'argent aux dépens des contribuables. On aura compris aussi que l'élastique, hein, c'est vous. Hein, c'est-à-dire que l'élastique peut casser assez rapidement quand on change le prix des fruits. Mais pour ce qui est des affaires qu'on aime bien comme les bonbons, là, l'élastique, il est lousse. Il est bien lousse. Jean-Claude, il y a quand même des critiques. Il y a des gens qui trouvent que, ben, évidemment, on parlera de toute façon de la perception qu'on a des taxes en fin d'émission parce que l'actualité nous donne raison d'en parler. Mais il y a d'autres choses là, dans les critiques. Ben oui, tu l'as même mentionné un peu toi-même tantôt. Je pense qu'il y a le mot taxe lui-même qui fait mal, mais il y a aussi c'est souvent perçu comme paternaliste. Aujourd'hui, il faudrait peut-être dire maternaliste, là, mais c'est-à-dire que c'est comme tu t'occupes de la vie privée. Tu dis quoi faire. Fait que ça, il y a beaucoup de critiques de ce côté-là. C'est aussi une critique un peu spéciale. Ben, c'est-à-dire qu'il faut faire attention aussi aux effets que ça peut avoir, parce qu'il y a des effets de substitution. Comme par exemple, tu peux bien augmenter les taxes sur le sucre, mais ça encourage les gens à consommer davantage d'aspartame ou d'autres succès donnés au sucre. Ouais. Est-ce qu'il y a un gros gain? Ça reste à voir parce qu'il y a peut-être des effets secondaires de l'aspartame ou des autres. On parlait de trucs cancérigènes, oui, bien sûr. Ben, c'est ça, exactement. Puis il y a aussi une des choses qui arrive dans certains cas, c'est que ceux qui ont le plus d'argent, ça les légitime de faire des actes un petit peu délinquants. C'est-à-dire que, c'est correct, je savais que c'était plus ou moins correct mon affaire, mais maintenant, je paye une taxe, fait que je peux le faire. Tu sais? Oui, effectivement. Ça a un peu pour effet de légitimer peut-être des mauvais comportements, finalement. Oui, puisque tu as les moyens de te le payer. Ensuite, on l'évoquait tantôt, il y a l'idée du marché noir. Hein. C'est-à-dire que quand on parlait notamment de la marijuana, il y a ça aussi. Moi, je pense que mécaniquement, d'autant plus que ce marché-là existe, là, en parallèle, augmenté, il peut y avoir des transferts. Bon, donc on a beaucoup d'expérience là-dedans parce qu'on sait qu'au Canada et au Québec, le marché noir du tabac, ça, on connaît l'exemple. Dès que tu augmentes trop les taxes, ben automatiquement tu aides les revendeurs là, de tabac à prix réduit, hors taxes finalement. Les effets secondaires imprévus, le cas que j'ai constaté, c'est le cas que j'ai vu dans ma documentation, c'est le cas de l'Irlande, par exemple, qui a taxé les sacs de plastique, un peu comme on pense le faire aussi en Amérique du Nord. Ça a eu un effet extraordinaire. Ça a baissé de 90% la consommation de sacs de plastique, mais ça a encouragé le vol de paniers d'épicerie. Tu vois? Faut toujours penser à ce qu'on fait. Faut toujours penser à tout. Puis un autre, avant d'entendre François Delorme pour la dernière partie, justement, si on l'introduisait, ce dont il va nous parler, un cas intéressant, c'est la viande. Oui. La viande, ça a été soulevé, ça a été l'objet d'un débat même dans les médias, dans les journaux. L'argumentaire étant, puisque la viande rouge, la consommer, notamment la viande rouge, ça veut dire de la pollution, émission de méthane qui est extrêmement, c'est problématique. Donc, pourquoi on taxerait pas ça? Cette idée étant lancée, il y a eu des réactions assez vives, d'abord d'Alain Dubuc, notamment, qui disait non, c'est pas une bonne idée pour toutes sortes de raisons. Si tu m'en disais un mot par rapport juste à ce petit débat sur la viande. Ben, c'est-à-dire, oui, c'est que je pense que tu l'as bien introduit. Puis moi, ce que je voulais juste ajouter, c'est qu'on a dit à cette émission aussi, il y a 3 semaines, les prédictions de 2018, c'est la viande risque de battre des records aux États-Unis en 2018. Alors qu'Alain Dubuc lui prétend dans son argumentation, il dit, ouais, mais la consommation de viande, de toute façon, c'est en déclin. Fait que c'est pas trop grave, c'est un faux problème. C'est un de ses arguments, c'est pas le seul, là. Mais c'est, peut-être que c'est vrai au Québec, la viande est en déclin, mais c'est pas le cas partout dans le monde. Et M. Delorme, je pense que c'est ce qu'il va mentionner, ça a des conséquences environnementales énormes, sans parler de la santé animale. Oui, parce que c'est ça, vous l'entendrez un peu, mais c'est que Alain Dubuc, pour vous résumer ça, avait des considérations très locales. Hein. Bon, il y a des producteurs locaux. En ce qui concerne la viande rouge notamment, on en importe beaucoup, donc est-ce qu'on a une portée sur ceux qu'on importe? Ben, pas vraiment. Donc, il y avait toutes sortes d'objections sur un paquet d'affaires. Mais François Delorme nous dit, prenons le recul, parce que c'est une considération globale, ce sujet-là. Alors, on l'écoute. La viande, je sais que ça a été même l'objet de petites discussions médiatiques entre vous et M. Dubuc. Là. La question est quand même très intéressante, la viande, parce qu'on vous répondait notamment, il y avait une universitaire qui répondait en disant « Ouais, mais culturellement, bon, la viande, ça fait partie de nos vies. » Puis vous répondez quoi à ça, ces arguments? Notamment, bon, il y avait les raisons culturelles, puis il y avait aussi les raisons locales. On dit « Ouais, mais là, localement, on va pénaliser nos producteurs. » Il y a de l'importation de viande rouge de toute façon en majorité. Bref, le problème n'est pas tellement contrôlable localement en tout cas. Oui, mais la raison, là vous parlez du débat que j'ai eu avec Sylvain Charlebois, qui est doyen à l'Université de Dalhousie. Et nous, c'est encore un problème de cohérence. que ce que M. Charlebois disait, c'est qu'on devrait taxer la viande pour des raisons éthiques. On devrait taxer la viande pour des raisons de santé publique et on devrait taxer la viande au niveau environnemental. Ça fait un, deux, trois. Okay? Et à la fin de ce syllogisme-là, de cet argumentaire-là, il dit « mais on le fera pas pour des raisons que c'est immoral et que les gens ne changeront pas leurs habitudes ». Donc, nous, la raison, si on s'est dit, cet argument-là, il tient pas. Vous venez de me donner trois raisons pour lesquelles on devrait taxer la viande. Et on veut pas taxer la viande pour taxer la viande. L'argumentaire, encore là, c'est on a des cibles de réduction de GES. Et on se dit, si on passe par le CO2, qui est une molécule qui a une durée de vie très longue et qui est très longue à changer, on les atteindra pas, ces objectifs-là. Donc, nous, on dit, mais il y a un gaz qui est encore plus toxique, qui a un potentiel de réchauffement beaucoup plus élevé que le CO2, c'est le méthane, le CH4. Le CH4, il était mis comment? Il était mis par l'agriculture et l'agroalimentaire. Puis on s'est dit, si on veut, c'est très important le si que je mentionne là, si on veut atteindre nos objectifs de réduction de GES, à ce moment-là, on n'a pas le choix de passer par un instrument qui est plus puissant, et ça, c'est le méthane. Donc, on s'est dit, le méthane, il est émis où? Il est émis par l'agriculture et l'agroalimentaire et la consommation de viande rouge. Alors, nous, c'est juste, si on se donne un point de départ qui est aujourd'hui, puis un point d'arrivée qui est des cibles de réduction climatique, on dit, quels sont les outils dont on a besoin? Donc, vous voyez, l'argumentaire, là, c'est pas un argumentaire de végétarisme ou de vegan. C'est pas du tout ça, OK? Nous, on est vraiment dans un argumentaire économique qui nous dit, voici où on est aujourd'hui, voici où on veut arriver. On n'arrivera pas par des taxes à l'essence, sur l'essence. Même si on met ça à 150 $ de la taxe sur le carbone, on rencontrera pas nos cibles de réduction climatique de GES. Alors, c'est un peu ça l'argumentaire. Et à partir de là, ben, le principe est là. On peut trouver des façons d'atténuer l'effet de ça sur les agriculteurs locaux, sur l'économie locale. Ça, pour moi, c'est un détail. Je dis pas qu'il est pas important, mais c'est comme dire on peut pas mettre une taxe sur l'essence parce que les bas revenus vont écoper. Il y a moyen de raffiner l'instrument, puis c'est la même chose avec une taxe sur la viande. Alors, nous, le débat avec Alain Dubuc, c'est exactement la même chose. C'était, si on est cohérent avec nous-mêmes, puis on a un objectif de réduction de GES, taxer le méthane et donc taxer la viande et surtout la viande transformée et la viande rouge, c'est incontournable. Si on veut pas faire ça, il faut changer nos cibles de réduction de GES, tout simplement. Oui, c'est ça, parce que vous disiez dans votre argumentaire que de toute façon, le réchauffement climatique, les questions de gaz à effet de serre, ça c'est global. Donc c'est comme de dire, ben, puisque le voisin ne le fait pas, on le fera pas, ben on fera jamais rien. Exactement. C'est ça. Nous, ce qu'on disait, c'est que le problème, c'est un problème. La pollution, elle n'est pas limitée au Québec, hein. Elle s'en va en Ontario, elle s'en va aux États-Unis. Le problème, c'est pour ça qu'on a les COP. Pourquoi est-ce qu'on a un accord? Tout le monde se plastronne devant l'accord de Paris, mais l'accord de Paris, c'est une coquille vide. Hein? Tant qu'on n'ait pas les instruments qui vont avec ça, vous et moi, on peut dire, ah oui, il faut vraiment limiter la température à une augmentation de 2 degrés d'ici 2100. Mais tout ça, ça reste des vœux pieux. Hein? Mais est-ce qu'on voit que les instruments ou les outils fiscaux ou réglementaires ou de sensibilisation sont là pour corroborer et concrétiser ça? Non. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ou bien on arrête de faire des accords climatiques qui sont vides, ou bien on décide de mettre les outils qui viennent vraiment concrétiser ce genre de choses-là. Donc, en terminant, quelques mots, c'est courage politique et cohérence. Ben, cohérence surtout. Le courage politique, je sais pas, moi j'ai beaucoup frayé dans le milieu politique comme quand j'étais au ministère des Finances à Ottawa ou des choses comme ça. C'est la logique économique est différente de la logique politique. Il faut respecter ça. Mais quand nous économistes, on arrive à faire des réformes qui sont vraiment efficaces, c'est quand les deux convergent. Ça veut dire qu'on fait des mesures économiques qui vont dans le sens des orientations politiques. Et ça, c'est assez rare parce que les logiques sont différentes. Nous, on a des logiques de court, de long terme. Hein, par exemple, on vient d'en parler, des problèmes de santé publique au niveau de la cigarette ou de la malbouffe. Mais les politiciens, eux, sont vraiment dans une logique de court terme de 4 ans ou 5 ans. Et c'est très rare que les deux vont dans le même sens. Alors, les meilleures politiques économiques, c'est vraiment les politiques qui respectent l'échéancier politique. Mais ça, c'est assez rare que ça arrive. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, puis ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à dire, ben, qu'est-ce que la logique économique nous dit, nous dicte de faire, et là, les politiciens, eux, décident d'en prendre compte d'en tenir compte ou ne veulent pas en tenir compte pour des raisons qui sont hors de la logique économique. Jean-Claude, c'est le seul bout, je l'ai senti tricoter un peu. Quand je lui ai demandé courage politique, moi, je comprends par sa position. C'est un ancien fonctionnaire d'Ottawa. Voilà, donc c'est difficile un peu de se mouiller, mais moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai compris. On est, c'est une question essentiellement de courage politique à ce moment-là, parce que la logique presque mathématique économique, ça tient debout quand même, là. La logique de bien commun, tu sais, oui, derrière ça, là, de la logique de société, finalement, de bien pour la société. Mais quand tu l'as mentionné à quelques reprises, M. Delhomme l'a répété lui-ci, c'est le mot taxe qui fait peur. Oui. Mais moi, je pense qu'il faudrait juste changer les termes du débat. Puis je vais faire référence à la commission Godbout qui a publié un rapport très important sur la fiscalité québécoise il y a 2 ans, dans lequel la commission Godbout disait la meilleure façon d'avoir des recettes fiscales, finalement, c'est via la taxation. Ça a beaucoup moins d'effets négatifs sur le développement économique que l'impôt. Pas, peut-être j'exagère en disant beaucoup moins, mais ça a moins d'effets au total. Donc, une raison supplémentaire. Non seulement les taxes peuvent aider à atteindre des objectifs de société, de bien-être commun, mais également, les taxes, c'est ce qui pénalise moins le développement économique. Oui, parce qu'il y a un lien avec le geste qui est posé, là. Oui. OK. D'autres choses à ajouter là-dessus? Ça fait le tour. Ça fait le tour. Donc, je vais conclure justement la petite pièce musicale en vous lisant juste ce petit extrait d'article qui dit « À quand des chefs politiques et des citoyens qui comprendront que les taxes pigouviennes ne sont pas des taxes comme les autres, mais un moyen efficace et efficient de s'attaquer à des problèmes majeurs tout en fournissant des rentrées fiscales pouvant être utilisées au choix pour baisser les impôts, équilibrer le budget, rembourser la dette ou augmenter les ressources allouées à la santé, à l'éducation ou au transport en commun. » Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her. Ouais, j'ai un petit peu de Leonard Cohen. Je m'ennuie. Ça fait du bien. Donc, Jean-Claude, on va poursuivre avec l'actualité, mais l'actualité qui est tout à fait liée avec notre thème de la semaine. Je vais lire une partie d'article pour mettre ça en perspective. Ça va comme suit. Les Québécois s'estiment trop imposés selon un sondage. Hein. Tiens, donc, quand on parlait du mot taxe qui en rébute plus d'un. Les 2/3 des Québécois considèrent qu'ils paient trop d'impôts, révèle un sondage léger commandé par l'Institut économique de Montréal, c'est important, un résultat qui semble contredire un autre coup de sonde mené par la même firme peu après. Ça, c'est très intéressant. L'enquête menée du 8 au 10 janvier porte à croire que les Québécois sont largement favorables à une baisse du fardeau fiscal. La grande majorité des répondants, 63%, jugent positivement la baisse d'impôts annoncée l'automne dernier par le gouvernement Couillard. Et 67% d'entre eux trouvent toujours qu'ils paient trop d'impôts. Paradoxe. Les conclusions du sondage semblent diamétralement opposées à celles d'une autre enquête menée plus récemment par Léger, la même firme, pour le compte du Devoir. Ce qui veut dire qu'il faudrait voir les questions. La façon que sont formulées les questions, c'est important. Selon ce sondage, sur les intentions de vote menées du 22 au 24 janvier, les 2/3 des Québécois sont plus favorables à un réinvestissement dans les services publics, à 66%, qu'à une baisse d'impôts, à 34%. Donc, c'est pratiquement l'inverse de l'autre. Le vice-président de Léger, Christian Bourque, y voit une parfaite illustration du paradoxe des Québécois. Il dit, il voudrait des baisses d'impôts, mais sans que ça compromette les services publics, constate le sondeur. C'est un peu le beurre et l'argent du beurre. Si on pouvait promettre aux gens qu'une réinjection de fonds en santé et en éducation donnerait des résultats positifs très forts, je pense que la majorité des gens seraient en faveur de laisser tomber les baisses d'impôts, mais je pense qu'ils sont très désabusés, répond Germain Bellil de l'Institut économique de Montréal. C'est intéressant, le beau petit paradoxe qu'on a souligné à quelques reprises dans l'émission. Ben, à mon avis, c'est un cas d'école. Ça pourrait être ancien dans n'importe quel département de communication ou de sociaux, parce que ça dépend de la question que tu poses. Puis surtout, je pense que l'article dit assez bien. Si tu poses une question prise isolément, si tu dis, par exemple, êtes-vous pour la tarte aux pommes? Probablement, tu auras une réponse de 95% de gens favorables. Ouais, ouais, ouais, ouais. Êtes-vous pour la maternité? Probablement 98%. Êtes-vous contre l'impôt? Ben oui, oui. C'est deux tiers. Mais si tu dis aux gens, là, êtes-vous prêt à renoncer à un service que vous recevez pour l'impôt? La réponse risque d'être bien différente. Alors, c'est un peu ça que ça illustre les deux sondages qui ont effectivement été faits à deux semaines d'intervalle auprès des mêmes personnes, c'est-à-dire des Québécois. D'ailleurs, Trump avait fait un sondage comme ça. Les Républicains ont lancé un sondage dans lequel ils demandaient si on trouvait que Donald Trump faisait un excellent travail, un très bon travail ou un bon travail. Ouais. Les résultats ont été très positifs. Puis là, vous pensez que je blague? Je blague pas. Il n'y avait pas de mauvaise réponse dans le sondage. Donc, il était très content de ça. Ça permet fait des belles manchettes après ça, en disant les gens sont très satisfaits en général de Trump. Mais regarde, justement, pour compléter un peu l'information là-dessus, je suis allé vérifier un rapport très récent qui a été fait par la chaire en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke, qui fait un excellent travail, d'ailleurs, et avec laquelle François Delhomme collabore à l'occasion, d'ailleurs. Et dans le rapport en question qui a été publié à peu près au même moment que les deux sondages, il parle de la charge fiscale nette, c'est-à-dire tu regardes ce que les Québécois reçoivent au net, c'est-à-dire après avoir payé des impôts, des cotisations sur la masse salariale et en tenant compte des prestations qu'ils reçoivent du gouvernement, que ce soit des primes de quoi que ce soit, quand évidemment, il y a certaines estimations derrière ça. Là, il en arrive tout à la conclusion, la chaire de la fiscalité de l'Université de Sherbrooke, que la charge fiscale nette du Québec est inférieure à la moyenne des 35 pays de l'OCDE. Et ça, ils ont regardé différentes situations, dans 8 situations familiales sur 10, dépendant si t'es tout seul, si t'as 2 enfants, si t'as 3 enfants, etc., quel est ton niveau exact. Donc, dans 8 cas sur 10, on a une charge fiscale nette inférieure à tous les pays de l'OCDE. Donc, c'est quand même, ça change complètement la perspective quand tu regardes qu'est-ce que je reçois en retour de l'impôt. Ce que la chaire en fiscalité disait aussi, ces données-là, ça reflète dans le fond la fiscalisation de la société. Le fait qu'une société décide de passer via le gouvernement. On paye plus d'impôts, mais on reçoit plus de services via d'autres sociétés où là, on dit, bon, on va se débrouiller tout seul, un peu comme aux États-Unis. Je veux pas avoir d'impôts, je vais me débrouiller tout seul avec mes bébelles dans ma cour. C'est deux choix de société différents. Tu peux pas juste comparer à l'état brut les taux de fiscalité dans une place ou dans une autre. Faut que tu regardes qu'est-ce que tu as en conséquence. Puis là, tu peux poser la question aux gens. Tu peux leur dire, voulez-vous payer plus d'impôts pour avoir plus de services ou payer moins d'impôts pour avoir moins de services? C'est une question qui se pose. Mais jamais, en tout cas, dans l'enquête de l'Institut économique de Montréal, elle n'a pas été posée de façon aussi limpide que ça, la question. Oui, ce qui me ramène d'ailleurs à ces fois où on publie, par exemple, les résultats des taux de taxes dans les municipalités. Là, ceux qui ont dit, ah, on compare les villes ensemble, là, telle ville est beaucoup plus taxée, c'est épouvantable. Souvent, on fait pas la distinction à quels sont les services, puis où est-ce que même qu'elle est située, parce que je me souviens qu'on avait comparé une ville où il y avait beaucoup de services en disant, mon Dieu, qu'ils sont taxés versus une autre ville qui était vraiment collée en périphérie de Montréal. Cette ville-là, bien entendu, n'a pas besoin de se payer salle de spectacle, pas besoin de... Tu sais, ça change beaucoup de choses par rapport à la fiscalité, là, puisque t'as à payer. Ben ça, c'est intéressant. Ce sont des externalités. C'est-à-dire qu'une ville à la périphérie, comme, je sais pas, ici, Cap-Rouge, supposons, ou Saint-Augustin, profite un peu du Grand Théâtre et des services. Profite de CKRL, qui est un service à l'ensemble de la communauté de la grande région. Effectivement. Donc, bref, tout ça pour dire que ça nous ramènera, je pense, à ce qu'on disait la semaine dernière par rapport au fait que finalement, le mot taxe, on aura réussi, on exclut la personne qui parle, à en faire un mot qui est tabou, un mot qui est mal. Mais finalement, quand on se met à réfléchir à ça, ça dépend de ce qu'on en fait bien, bien plus que d'autres choses. C'est ça. Merci pour cette portion. Maintenant, si on poursuit avec la question de la semaine qui a bifurqué un peu parce que l'actualité l'exige, mais en même temps, ça permet de parler de quelque chose d'intéressant. On a une minute ou à peu près. Non, mais je pense qu'effectivement, la question demeure toujours pertinente. Parce que, en fait, je dois dire que je dois rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire au chroniqueur Francis Veil de La Presse. C'est un article qui est publié lui la semaine dernière, alors qu'on avait annoncé le méga contrat de 10 milliards avec le Massachusetts. Je trouvais qu'il posait, puis c'est un économiste, Francis Vaille, en passant, fait qu'il posait le terme en termes de notion d'économique, parce que je vais le poser un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il a calculé que ça nous rapportait à Hydro-Québec à peu près 5 cents du kilowattheure le contrat projeté avec le Massachusetts. Si tu enlèves le coût de transport, une cent du kilowattheure, tu te ramasses à gros net 4 cents du kilowattheure. Mais là, faut que tu regardes, ouais, mais ça te coûte combien de produire l'électricité? Fait que les comptables diraient, en moyenne, avec tous les barrages qu'on a, ça nous coûte 2 cents du kilowattheure. Fait que tu... T'es rendu, tu as un profit de 2 cents. Mais si tu calcules le dernier barrage, comment il t'a coûté, lui, c'est la Romaine, 6,5 cents du kilowattheure. Fait que tu te dis, on a-tu construit la Romaine pour vendre au Massachusetts? Puis on n'est même pas sûr de le vendre. Là, on fait un déficit de 2 cents du kilowattheure. Vaille arrive avec une notion, une troisième notion que je trouve très intéressante. Il dit, de toute façon, la Romaine est déjà construite, ou à peu près. Fait que là, on n'a pas le choix. On peut même laisser l'eau s'accumuler derrière le barrage, mais ça nous rapporte aucun cent. Fait qu'il dit, dans le fond, cette électricité-là ne nous coûte rien. C'est zéro cent. Parce que, donc, on est aussi bien de la vente. Ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que, dépendant que tu considères un investissement qui a déjà été fait, comme la Romaine, ou un investissement à faire, le calcul est très, très différent. Puis ça, c'est une question importante à garder en tête, parce qu'il y a une campagne électorale qui s'en vient au Québec. Fait que des politiciens vont être tentés de promettre des nouveaux barrages pour avoir cause des impacts régionaux, etc. Effectivement, ça paraît bien. En tout cas, c'est une question intéressante. On va y revenir sans doute. Merci beaucoup, Jean-Claude. C'est ce qui termine l'émission, je pense bien. Merci beaucoup, Jean-Claude, pour la collaboration et la recherche. Merci à Éric Doreur et à la mise en onde. Et pour la pièce musicale de fin, c'est merci beaucoup. Un grand merci à notre invité, l'économiste François Delorme. C'était très intéressant de l'écouter. La semaine prochaine, Gary Becker et le capital humain. Quand je dis qu'on est capable de parler d'humain et d'économie, nous autres, on va le prouver encore une fois. Manquez pas ça. Beaucoup de choses intéressantes à dire à ce sujet. Bonne semaine. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et à écouter en balado. Vous visitez econophile.net. Merci. À samedi prochain.